D'abord on marche, et puis on se sépare. Garder le contact, ou disparaître dans le noir. Voilà le principe de nos petites histoires. Règle bien ou juste, défaillante mémoire. On se demande, quelle star est-il devenu ? Aurait-elle pu omettre de se sentir perdu, toujours devoir se battre, et pas le moindre coup, de fil inexistant, plus de lien entre nous. Pourtant, il y a eu tellement de choses, autant de questions qu'aujourd'hui mon cœur se pose. Mais si je dois me rappeler quelque chose de constant dans ce monde qui change, quelque chose que je sens, si je pouvais l'entendre, si je pouvais le penser, au-delà des potentiels risques d'oublis ou regrets, juste quelques mots, j'ai aimé ça. Nos regards et on ne voit plus rien que le fond de nos âmes et le vide d'un matin. À la nuit des baisers, quelques larmes et je doute qu'un jour, encore une fois, se croisent nos routes. Demain, une autre histoire, l'air de se dire en vain, les mêmes, peut-être différentes. Et le temps d'un temps, soit monter dans le train et regarder en face cette place vacante. Pourtant, il y a eu tellement de choses, autant de questions qu'aujourd'hui mon cœur se pose. Mais si je dois me rappeler quelque chose de constant dans ce monde qui change, quelque chose que je sens, si je pouvais l'entendre, si je pouvais le penser, au-delà des potentiels risques d'oublis ou regrets, juste quelques mots.